Thank you. Was tör ich kipp von meiner Nein. Thank you. récupérer. De guitare, tu vois. J'entends. Déjà, faut que je suis agréé. Ah, la guitare, t'as un riff qui fait. C'est bien, ça va bien ensemble, je trouve, leur truc qu'ils ont trouvé. Ah merde, non, je suis trompé, d'accord. Si je me suis trompé, c'est fait un tour de garde, je me suis trompé. Decisions as I go to anywhere I fall.